Chapitre 179. L'interdiction à la femme de voyager seule. 989. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier d'effectuer un voyage d'un jour et d'une nuit sans être accompagnée d'un mahram, le mari, le père, le fils ou tout autre parent avec lequel le mariage lui est interdit. Al-Bukhari et Muslim. 990. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas permis à une femme de rester seule avec un homme sans mahram, ni de voyager sans mahram. Un homme se mit alors debout en disant: ô messager d'Allah, j'ai été enrôlé dans telle expédition et ma femme est partie au pèlerinage. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui ordonna alors: pars et accompagne ta femme au pèlerinage. Al-Bukhari et Muslim.